noir, entendre le cœur des machines, enchanter dans les clubs, nous donner le meilleur, fait de nos corps les veilleurs. Hey, si j'ai le droit de suivre, si ton électricité, si me rend plus excité, si c'est ça ma densité. Changeons de forme, ne serons plus jamais seuls. Sous ta peau l'animal te fait un peu moins mal. Danser sur des machines, enchanter dans les clubs, bébé. De nous donner le meilleur, nous emmener, nous emmener, nous emmener ailleurs. J'ai le droit de citer ton électricité, citer me rend tout excité. C'est ça ma danse, c'est ça ma danse, danse, danse, danse. Capacité, permissivité.